quand la colombe m'apportera l'amour du bout du monde. Je sais qu'un jour, un soir, on se reconnaîtra et sans parler notre histoire commencera. Cueillir l'arc-en-ciel au cœur du vent froid de l'hiver.